franchement, je ne m'attendais pas à une arrestation avec ce régime, car j'avais tout donné pour ce régime. J'avais sacrifié et mes journées et ma vie entière aux activités féminines. Et j'avais cru que jamais, en tout cas avec ce régime, le chef d'État qui était à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré, ne pouvait se permettre d'arrêter une femme. J'ai subi plusieurs interrogatoires et je suis même allée jusqu'à la cabine technique. Fort heureusement, le courant était coupé et ayant attendu une demi-heure, le chef de poste a ordonné que l'on me ramène dans ma cellule. On voulait me faire avouer ce que je ne savais pas. À mon avis, je n'ai jamais appartenu à un réseau quelconque. J'avais confiance en moi et je savais que je n'avais jamais eu d'autres relations à part les relations du parti. Mais ils m'ont tellement torturé, tellement acculé que ils m'ont donné un papier qu'il fallait signer. Je vous avoue que j'ai signé le papier sans l'avoir lu parce que j'étais fatiguée. Un dernier témoignage enfin, celui de Jean-Paul Alata. Cet ancien collaborateur du président guinéen est l'auteur d'un ouvrage « Prison d'Afrique », essentiellement consacré aux conditions de détention dans le camp Boiro et à l'analyse du fonctionnement d'une dictature policière.